sort en fine santé. Les pédalons, on verra d'autres paysages. Y'aura pas de fuite à part la S, t'es pas prêt. J'trois MLM, c'est des blues, ça, ça. On prend le monde, on est des fous, derrière ça. Et Manip, je sais pas c'est quoi un port. C'est un putain de hasa. On veut bronzer à la Marbella. Que des ours sur la Marbella. On sort le pont pour la Macarena. Si ton raison, on va se garer là. Kérico, Kérico, Kérico. On est des barbares, ne fais pas le fou. Regarde mon dos, tu vas tourner la roue. L'humain est fantôme quand tu verras le trou. Une taf, deux taf, loin de là. Maintenant tu viens des yeux là. On se sauve de là. On ira loin de là. Hey, que bonita. J'aime tes yeux, mentalita. Travaille au fond, on verra bien Mexico. Si mes raisons ne le dis pas. Hey, que bonita. J'aime tes yeux, mentalita. Travaille au fond, on verra bien Mexico. Si mes raisons ne le dis pas. Rouboule dans la cuisine, on m'a chichi. Le fuseau horaire, t'as Itachi. On fait du bien, on fait du mal, ça nous en jure. Je fais un tour en jet et je refais le monde. Va dire à Sosa qu'on se prépare à l'ombre. Au chambre, on la como est. On fait du chiffre à la minute, on y craint les secondes. Le soleil fera des allers-retours. Après la lune, je verrai faire un petit tour. Je m'emballe de qui est contre qui est pour. La misère qui sera là dans la cour. Kérika, Kérika, Kérika. Taille des aides, allez, on y va. Délicat, délicat, délicat. Regarde Mani, regarde le